Les centaures, cinquième partie. Plusieurs fois, selon leur rite accoutumé, les saisons ont succédé aux saisons. Sur la terre d'Occident, les centaures ont établi leur empire. Les temps d'angoisse sont effacés de leur mémoire. Ils ont recouvré la joie de vivre, l'orgueil confiant et le sentiment assuré de leur force. Gurgundo n'avait point menti. Bordée de tous côtés par les flots, la terre nouvelle où il a guidé ses frères leur est un séjour bien heureux. À l'est et au midi, elle est hérissée de cimes abruptes. Au-dessus de toutes s'élève la montagne fumante. À cause des flammes qui quelquefois illuminent son sommet, les centaures n'osent s'approcher de ses flancs arides. Mais le feu souterrain qu'elle recèle réchauffe le climat et ses contreforts barrent le chemin au vent glacé d'Orient. Aussi, le reste de l'île n'est qu'un bosquet, tour à tour ensoleillé et ombreux, où alternent la majesté des végétations sylvestres, la richesse des arbres fruitiers, la grâce verdoyante des prés. Au printemps, dans l'air léger, le parfum des amandiers en fleurs, des orangers et des oliviers, et si fort que les centaures, à 50 pas, perdent la piste d'un faune ou d'un putois. Toutes les fleurs, tous les feuillages, toutes les herbes font de l'île entière un seul jardin embaumé. En été, quand le soleil calcine les landes et les rocs, de superbes forêts de chênes et de châtaigniers offrent leur ombre aux animaux rois. À l'automne, la splendeur des fruits est rayonnante. Les orangers plient sous le fait. Les olives surchargent les rameaux. Les figues des cactus jaunissent au bout des raquettes charnues. D'un tronc tortu à l'autre, les ceps de vigne serpentent et leurs pampres sont chargés de grappes. Et l'hiver lui-même s'enveloppe de tant de verdure et de senteurs que ce n'est qu'au retour des pâquerettes et des oiseaux chanteurs que les centaures s'aperçoivent que l'automne est fini et que renaît le printemps. Pendant quelque temps, ils ont erré au hasard à travers l'île, tour à tour épris de toutes ses magnificences. Et puis, en dernier lieu, ils se sont établis vers son extrémité occidentale. Si chaudes sont les nuits qu'ils n'ont point eu à rechercher l'abri des cavernes. Ils reposent sous les fourrés de lauriers qu'ombragent çà et là de vieux oliviers. Tout près, au milieu des lentisques, des tamaris, des caroubiers et des vignes, est le refuge des faunes. Depuis qu'elles furent unies dans un péril affreux, les trois tribus vivent plus rapprochées les unes des autres. Les tritons, aussi, ont assis leur camp à l'embouchure de la rivière aux berges tranquilles, couvertes de roseaux, de joncs et de nénuphars, où les centaures viennent se rafraîchir par les soirs d'été. En une seule saison, les animaux rois ont enseigné aux bêtes la loi de Clévorac. Sur cette terre bénie, les mangeurs de chair sont rares et timides. Ils se sont soumis sans peine à la règle imposée. Et la paix règne entre tout ce qui vit sous le ciel d'azur, dans l'air embaumé. Les enchantements de l'île merveilleuse n'ont pas seulement chassé le souvenir des terreurs passées et rendu la joie et la confiance. Au milieu de l'exubérance de vie qui les environne, les animaux nobles ont senti se ranimer dans leurs veines le feu de leur sang. Avec une ardeur rajeunie, ils ont connu les voluptés de l'amour, et les ventres des femelles ont tressailli sous la caresse féconde des mâles. De comiques tritonneaux ont grouillé sur les grèves vaseuses. Une douzaine de faunillons nouveau-nés gambadent parmi les ajoncs. Même deux centaurins ont vu le jour et ont vécu. Et Clévorac, vieillissant, se réjouit de voir accrue la force de son peuple. Presque tous les soirs, Avant le coucher du soleil, les trois tribus s'assemblent sur la plage et se livrent à des jeux en regardant l'astre descendre dans l'air mauve et l'embraser de ses feux sanglants. Et la pensée ne leur vient point de se demander quel sera le refuge de leur race si, selon l'obscur destin qui les poursuit, la menace du froid s'abat encore une fois sur eux. Seule, une fois, Cadilda, pensive, a interrogé son père à voix basse. Le vieux chef a posé sa main sur la tête blonde et a répondu gravement. « Celui-là est fou qui, dans son esprit, veut concentrer la terreur du passé, les souffrances du présent et les inquiétudes de l'avenir. Aujourd'hui seul est à toi, ma fille. » Cadilda a reconnu la sagesse du vieux chef et s'est tue. Mais pourtant, son esprit, plus d'une fois, est revenu aux choses d'autrefois, où de nouveau s'était lancé vers celles de demain. Plus d'une fois, malgré le supplice de l'effroyable migration, malgré l'horreur de la pluie diluvienne, des forêts dévastées et du gel, sa pensée est retournée vers les lieux où elle a vécu, où, dans des temps qui ne s'effaceront point de sa mémoire, elle a connu les écorchés, et parmi eux, l'enfant Naram. Cadilda a gardé le goût des promenades solitaires. Souvent, elle se dérobe au contact bruyant de ses frères et vague à travers l'île parfumée. Comme, à cause du climat très doux, le froid des nuits n'est pas à craindre, elle demeure parfois loin de la horde 3 ou 4 jours de suite. Et c'est ainsi qu'à plusieurs reprises, traversant l'île dans sa largeur, elle a revu le rivage sinistre où naguère ont atterri les centaures. Sur la petite grève pierreuse, elle a revu les os blanchis de la vieille Urico et ceux des faunes qui succombèrent dans la traversée. Peu à peu, le vent les a éparpillés ou couverts de sable. Mais pourtant, Cadilda revient. Elle gravit les hautes falaises, elle contemple de l'autre côté de la mer les silhouettes bien connues des montagnes, la masse sombre des forêts et, sur la côte, quelques taches que la distance fait grisâtre et qui sont les roches rouges. D'affreux nuages noirs écrasent presque toujours l'horizon et un vent de neige fouette le visage de la centauresse. Pourtant, elle demeure immobile de longues heures, les yeux fixes. De doux souvenirs se lèvent en elle et aussi des essaims nombreux de tristes pensées. L'île bienheureuse n'est pas plus riante, plus paisible et plus fleurie que n'était jadis la terre abandonnée. Si un jour la pluie dévorante vient y poursuivre les centaures, que feront-ils? Avec effroi, Cadilda se rappelle l'horizon vide où s'engloutit chaque soir l'astre flamboyant. Puis la Vierge se souvient des sages paroles de Clévorac et chasse de son esprit les imaginations superflues. Elle se secoue, réchauffe par une galopade ses membres transis et oublie ses soucis dans la joie des bosquets odorants. Mais parce que, par une exaltation peu conforme aux habitudes de son peuple, la curiosité de la Vierge erre fréquemment au-delà de l'île où elle promène ses pas et trouve sa nourriture. Elle écoute avec une avidité particulière les récits de Gurgundo et de ses frères. Les tritons ont fixé leur retraite dans la rivière au Nénuphar, qui côtoie les taillis où s'abritent leurs frères aussi membres. Mais de tout temps leur humeur fut vagabonde, et ils se plaisent toujours à s'élancer au hasard sur les flots, à lutter, à perdre haleine contre la force des vagues et à visiter les contrées étrangères. De leur voyage, ils se rapportent des contes qu'ils débitent le soir sur la plage. Sauf Cadilda, les centaures haussent les épaules et ne daignent guère les écouter. Leur langue dit au hasard ce qui est et ce qui n'est pas, et leurs esprits sont si ondoyants qu'eux-mêmes, bientôt, ne distinguent plus ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux ou ce qu'a inventé leur imagination tumultueuse. Pourtant, au sujet de la terre abandonnée, tous tiennent les mêmes propos. Quand Cadilda les interroge, ils secouent mélancoliquement la tête, crachent et haussent les épaules. C'est le domaine du froid et de la pluie. Les arbres y pourrissent et succombent. Les rivières y charrient en foule les cadavres des bêtes. Une seule race y pullule maintenant, celle qui se protège contre les rigueurs du climat au moyen de la toison des autres. La parole de Pirip était prophétique. Les écorchés, frères du froid et de la mort, ont pris possession de l'antique demeure des animaux rois. Leur forme malingre, cachée sous la peau de l'auroch ou celle du loup, rôdent à travers les forêts. L'autre jour, Gloglé la bavarde s'est approchée du rivage en face des grottes rouges. Près du seuil, toute une horde de blêmes était rassemblée, et la sirène a vu les femelles enfiler des chairs palpitantes sur des bâtons et les présenter à la chaleur terrifiante du feu qu'elles osaient regarder en face. Gloglé a détourné la tête en poussant un cri d'horreur. Aussitôt les mâles se sont levés et, brandissant des bâtons pointus, ils les ont lancés de toute la vigueur de leurs bras. Mais les fétus tombaient dans l'eau, impuissants. Quelque temps, Gloglé s'est amusé à narguer leur rage déçue. Et puis, deux ou trois fois, en signe de mépris, elle a culbuté sur elle-même au-dessus des vagues en faisant miroiter ses écailles et, sans regarder derrière elle, elle s'est enfuie vers le large. Plusieurs fois, Gloglé, fier de son aventure, l'a longuement raconté à la Vierge. Il est plus difficile d'ajouter foi à celle d'Oyotoro. À la fin de l'automne dernier, il est parti avec trois de ses frères et quatre femelles et il n'a regagné la rivière au Nénuphar que dans les premiers jours du printemps. Au cours de son voyage, il a vu d'étranges choses qu'il ne se lasse pas de redire. Au sujet de rivages inconnus, de pêches prodigieuses, de bêtes de toutes sortes, de plantes extraordinaires, ses bavardages sont interminables. Mais le plus incroyable se rapporte à une contrée située quelque part à 8 jours vers le sud. Lui-même ne serait pas sûr d'en retrouver le chemin. Là, d'après Oyotoro et ses compagnons, vivent des écorchés en nombre infini. Leurs propres mains ont élevé avec des pierres et des arbres taillés des grottes d'un art magique qu'ils ont remplies d'une profusion d'objets disparates dont nul ne saurait deviner l'origine ou l'usage. Par leur malignité, ils ont établi leur empire sur les bêtes elles-mêmes. Non point comme Clévorac, en leur donnant le bienfait de la paix, mais par la terreur et la violence. Kahar, le cheval, dont le bas-corps est pareil à celui des centaures, est devenu leur esclave. Au moyen d'un bâton pointu et d'une liane indéchirable passée en travers de sa bouche, ils l'ont asservi à tel point qu'ils peuvent impunément s'élancer sur son dos et le guider à leur fantaisie, les lèvres déchirées et les flancs saignants. Ils ont tenté de chevaucher la mer elle-même. Grâce à l'adresse vertigineuse de leurs mains, ils ont si singulièrement rogné et assemblé des troncs d'arbres, des écorces et des branches, qu'ils en ont formé des monstres capables de flotter, de porter leur corps débile, de s'avancer au moyen de pièces de bois amincies qui frappent l'eau comme des nageoires. De tels récits soulèvent une incrédulité générale. Et, après quelque temps, les voyageurs eux-mêmes ne peuvent s'empêcher de rire en les redisant. Un seul trouve grâce auprès des animaux rois. C'est celui où Oyotoro raconte comment les écorchés furent châtiés de leur jactance. Un soir, les tritons, blottis dans les creux des roches tapissées de goémons, regardaient le soleil décliner derrière d'énormes nuages cuivrés. Rien ne bougeait dans l'air calme, Mais déjà, sagaces, les fils de la mer reniflaient la tempête prochaine et se réjouissaient de la furie des vagues. Et tout à coup, à une portée de voix du récif où ils s'abritaient, ils ont vu glisser sur les flots un de ces monstres chargés d'écorcher. Lentement, ses nageoires de bois l'entraînaient sur les ondes clapotantes. Alors, filant entre deux eaux, les tritons se sont doucement approchés, et voici qu'au haut d'une crête ont surgi les chevelures, les visages humides, les yeux étincelants et les torses lisses des sirènes, tandis que la vague s'allumait des reflets flamboyants de leur queue. Un murmure de stupeur s'échappait des poitrines des maudits. Tandis que quelques-uns précipitaient les mouvements des palettes de bois, les autres tendaient leurs bras vers les vierges, les appelaient avec des gestes caressants et, sournoisement, préparaient des bâtons pointus dont ils les frapperaient tout à l'heure. Nonchalantes, les filles de la mer s'éloignaient par d'imperceptibles flexions de la queue. Tantôt pointant à la cime des lames, tantôt à peine devinées dans la transparence des eaux. Cependant que leur chant mélodieux et la grâce lascive de leurs gestes fascinaient l'âme futile des hommes. Tout entiers embrasés de désir, ils oubliaient la rafale prochaine, se laissaient peu à peu entraîner au milieu des têtes brunes des rochers frangés d'écume. Et soudain, un grand souffle de tempête a passé, faisant clapoter les vagues, arrachant un gémissement aux fragiles monstres de bois. Et au même instant, Oyotoro et ses frères sont apparus en mugissant. D'un seul coup, l'ivresse des nautonniers s'est dissipée. Ils ont vu le danger et, maniant leurs rames avec une énergie nouvelle, ils ont tenté de s'échapper. Trop tard, rapide comme le galop des centaures, la tempête fondait sur le frêle esquif, le secouait de ses mains de colère et, soudain, avec un affreux craquement, le laissait retomber sur la crête âpre d'un écueil. À travers les poutres disjointes, les eaux voraces giclaient en tourbillonnant. En un instant, il ne restait de la nef que des débris lamentables où les écorchés s'accrochaient en vain. Alors, avec de grands éclats de rire, les vierges marines s'élançaient sur les naufragés, stupéfiées par leurs yeux verts. En se jouant, elles détachaient leurs bras des pièces de bois où ils se cramponnaient, les embrassaient d'une étreinte mortelle, s'enfonçaient avec eux d'un coup de queue jusqu'aux profondeurs de la mer. Et bientôt, elles reparaissaient seules, riant au plus fort. Éperdument, Oyotoro et ses frères soufflaient dans leur conque. Ainsi périrent l'un après l'autre tous ceux des maudits qui, grâce à l'ouvrage pernicieux de leurs mains, avaient prétendu dompter la mer. Au récit d'Oyotoro, un murmure de satisfaction circulait parmi les animaux rois, heureux de leur force et confiant dans l'avenir. Nonchalamment étendus sur la plage occidentale, repus des bienfaits de l'île nourricière, ils ne se lassaient pas de regarder les soleils s'engloutir les uns après les autres dans l'océan. Et cela dura ainsi plusieurs années. Mais voici qu'un printemps fut pluvieux. Une épidémie s'abattit sur les faunes. Les plus jeunes perdaient l'appétit et maigrissaient. Leur langue se gonflait et devenait douloureuse, et les yeux se faisaient chassieux. Plusieurs finirent par mourir. Il n'y eut point de naissance chez les centaures. Et le dernier né de l'année précédente fut trouvé inanimé un matin. Une fièvre maligne n'épargna pas les plus robustes. Il fallut donner la mort à Péric, devenu si faible que ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Les tritons eux-mêmes étaient sans entrain. Ils demeuraient de longues heures inertes sur le sable et se plaignaient que l'eau de mer eût mauvais goût. De grandes averses tombèrent, beaucoup d'arbres fruitiers périrent, et même deux des plus florissants champs de réki furent engloutis par la crue des rivières. Plusieurs fois, regardant les nuages noirs qui roulaient à travers le ciel, les centaures se souvinrent des catastrophes passées. Les bises de l'Orient franchirent pour la première fois la barrière protectrice des montagnes. La nuit, les animaux rois n'arrivaient point à réchauffer leurs membres sous les forêts. Et, pour combattre le gel, Clévorac médita s'il ne conduirait point son peuple campé auprès de la montagne fumante. Mais lorsque les dominateurs s'en approchèrent, les grondements du sol les effrayèrent et ils préférèrent un autre abri. Et, après avoir parcouru l'île du nord au midi, ils revinrent, guidés par l'instinct de leur race, à la plage d'Occident où se terminait la terre habitable. Et, bien des soirs, les narines au vent, ils errèrent sur le rivage, fouettant leurs flancs de leur queue, entrant dans l'eau jusqu'aux genoux, humant les odeurs du large comme s'ils y cherchaient le parfum lointain d'une autre terre. Mais, à l'horizon, le ciel et la mer se confondaient. Pendant 3 jours et 3 nuits, Gurgundo nagea vers le soleil couchant, sans apercevoir autre chose que les flots murmurant. Dans le crépuscule silencieux, Cadilda laissait les souvenirs se lever sinistres dans son âme. Et puis les mauvais jours passèrent. La force victorieuse du soleil défit les nuages, tarit dans leur source les vents funestes. Sous sa tiède caresse reverdit la splendeur des feuillages et l'île embaumée se para de fleurs et de fruits succulents. Et le cœur des centaures ne demeura point contracté dans l'allégresse universelle. À travers les plaines et les coteaux, ils reprirent leur course folâtre. Les faunes turbulents se grisèrent de raisins, de prunelles et des baies du genévrier. Et les tritons se pourchassèrent de nouveau à la surface des eaux. Et Cadilda elle-même sentit se fondre sa mélancolie et dut encore se réjouir de la beauté des choses et que la mort fût loin d'elle. Mais voici comment prit fin l'allégresse de la triple race dans l'île bienheureuse. Au déclin de l'après-midi, les centaures, sur la plage d'Occident, se sont livrés à leur jeu. Tour à tour, ils ont rivalisé à la course, au saut et à la lutte. De grandes acclamations ont célébré les vainqueurs. Maintenant, essoufflés, couverts de sueur et de poussière, ils se dirigent vers la mer pour y laver leurs membres souillés. Clévorac, pensif, les regarde s'éloigner sans les suivre. Il y a peu de jours, il a posé le pied sur un terrier de lapin qui s'est effondré sous son poids. Le pâturon foulé, il marche difficilement. D'ailleurs, l'âge pèse durement sur les épaules du vieux centaure. Ses sabots sont usés jusqu'à la couronne. De longs poils gris couvrent ses canons jusqu'au boulet. Ses jambes sont peu à peu devenues cagneuses. Ses côtes font saillie sur ses flancs pelés, son dos s'infléchit, son torse amaigri s'incline en avant. Ce n'est qu'avec effort qu'il redresse encore la tête et promène au loin ses regards qui s'éteignent. Ses gencives sont dénudées et sa barbe blanche pend plus bas que ses genoux. Depuis 2 années, au moins, il ne saurait satisfaire aux épreuves de la course et du saut. Aussi, selon les antiques usages, à plusieurs reprises, il a demandé la mort. Mais, d'une seule voix, son peuple l'a supplié de supporter les injures de l'âge. Il semble que depuis le séjour dans l'île bienheureuse, l'humeur des centaures se soit amollie. Lorsqu'il fallut lever la masse sur Péric, Arc sentit sa gorge se serrer. Et l'idée seule de frapper le vieux chef met un tremblement dans ses pectoraux. Clévorac ne s'est point obstiné. Comme les centaures n'ont plus à accomplir de grandes courses, comme la nourriture est abondante pour tous, sa vie n'est point à charge et il s'est laissé toucher de l'amour de son peuple. il a confié à Arc et à Colpitru le soin de le diriger alternativement. Au-dessus d'eux, il commande toujours. Chaque jour, il fait quelques pas pour guérir sa provende et empêcher ses membres de se raidir. Et puis, de longues heures, il demeure étendu sur la plage, à suivre d'un œil bienveillant les jeux où s'atteste la force de son peuple ou à contempler le déclin du soleil. Que se passe-t-il ? Les centaures, cessant de se rouler parmi les vagues, se sont réunis dans l'eau en un seul groupe. On entend un murmure inégal de voix. Les bras s'agitent et, tout à coup, Cadilda se détache de ses frères et s'élance vers le chef. Le sable s'envole sous ses sabots. Bien qu'elle ait passé la fleur de la jeunesse, elle demeure la plus belle de son peuple et la face boucanée du vieux se fend d'un sourire à mesure qu'elle approche. Elle s'arrête, essoufflée. « Père, viens écouter les paroles de Glovonde. Le péril est sur nous. » Péniblement, l'ancêtre soulève ses membres lourds et descend sur la plage en boitant, appuyé sur l'épaule de la Vierge. Devant lui, les centaures s'écartent. Au milieu d'eux, plusieurs tritons sont accroupis dans l'eau. Tout fier d'être écouté, Glovonde recommence son récit. D'une seule traite, il arrive de l'extrémité orientale de l'île pour annoncer à ses frères le prodige dont il a été témoin. En face des rochers qui dominent la plage où jadis les trois tribus prirent pied, la mer était couverte de monstres qui glissaient à la surface. Et quand il s'est approché pour reconnaître leur race, le triton stupéfait a vu se dresser sur leur dos les silhouettes des écorchés. Et il a reconnu que ces masses flottantes n'étaient point des animaux, mais d'étranges assemblages de bois. Plusieurs se sont brisés en arrivant à la côte et un grand nombre des maudits se sont noyés. Mais les autres ont débarqué sains et saufs. La multitude couvrait la grève. Saisi d'horreur, le triton s'est enfui en toute hâte. Tous les regards se fixent sur Clévorac. Glovonde a-t-il rapporté ce que ses yeux ont vu ? Au contraire, sa langue bavarde s'est-elle complue à forger un conte ? Seul l'esprit perspicace du vieux centaure est capable de le démêler. Méditatif, il caresse ses flancs de sa queue amincie. Que pense Gurgundo de l'aventure de Glovonde ? Le triton perplexe cligne des yeux et hoche la tête. Bruyamment, Oyotoro prend la parole et ponctue ses phrases de grands claquements dans l'eau. À coup sûr, Gloconde a dit vrai. Lui-même a vu de tels monstres. Il invoque le témoignage de ceux de ses frères qui l'accompagnèrent il y a 2 ans dans son grand voyage. Tous parlent à la fois. Mais Cadilda pousse un cri et montre sur la plage 3 faunes qui trottent de leur allure cahotante. De loin, les centaures reconnaissent la barbiche grise de Pirippe. Fut et Puyulex sont avec lui. Avant qu'ils aient parlé, tous ont vu la détresse sur leur visage et savent qu'ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Et soudain, Cadilda se souvient du jour lointain où Pirippe, hors d'haleine, est accouru dénoncer aux centaures la mort de Sadionx et appeler leur vengeance sur son meurtrier. D'une voix entrecoupée, le faune raconte que ce matin, Fut et Puyulex s'étaient éloignés de la tribu pour faire la cueillette des mûres, plus abondante du côté de la montagne qui fume. Paisiblement, il détachait les baignoires des ronciers, quand soudain, des sifflements ont traversé l'air. Fut a senti au bras une douleur aiguë. Il y a porté la main, en a retiré ce bâton pointu. Pirip remet à Clévorac une petite branche courte et mince, dépouillée de son écorce et qui se termine par une pointe dure, brillante comme la nacre des coquillages. Étonnés, les centaures la palpent tour à tour, La flaire admire comment cette chose légère a pu transpercer le bras de Fut. Pyrrhippe reprend son récit. Tandis que les faunes, surpris, levaient les yeux, les sifflements redoublaient, de semblables morceaux de bois s'enfonçaient dans l'herbe à côté d'eux, et, tout à coup, à travers le hallier, les mangeurs de raisins apercevaient des corps blêmes accroupis qui les guettaient. Un seul coup d'œil leur a suffi. Tout le jour, ils ont couru pour annoncer à leurs frères que, par un prodige inconnu, les écorchés étaient tombés du ciel ou sortis des entrailles du sol. Glovan de triomphe et se rengorge. Lui seul a dit la vérité. Les impurs ont franchi la mer. Peu importe, leurs pieds nus ne fouleront pas longtemps le sol interdit. Une ivresse de colère enflamme d'un seul coup les cerveaux. Quoi ? Jusque dans l'île bienheureuse, les maudits osent-ils traquer les animaux rois ? Des cris de mort jaillissent, les poings se lèvent. En avant, à mort ! Les sabots piétinent le sable. Clévorac calme son peuple. Le soleil s'engloutit dans les flots. Dans peu d'instants tombera la nuit. Les centaures iront-ils à l'aventure pour suivre les hommes à travers les bois obscurs ? Qu'ils attendent l'aurore de demain. C'est en plein jour qu'il convient de donner la bataille. Car peut-être, à cause de leur nombre et des armes pernicieuses qu'a forgées leur industrie, les écorchés oseront affronter l'attaque. À cette idée, de grands rires secouent les poitrines. L'espoir du combat, oublié depuis tant d'années, exalte les dominateurs. Et ils emploient les derniers instants du jour à cueillir des gourdins et à façonner des souches de bois en massue qu'ils s'exercent à faire tournoyer, à lancer en l'air et à recevoir à bout de bras. Cependant, malgré leur impatience, Arc et Colpitrus s'accroupissent à côté du chef. À cause de son grand âge et de sa blessure, pour la première fois, Clévorac ne mènera point son peuple à la bataille. Et il enseigne aux deux géants les cris du commandement et les règles de la tactique. Selon les antiques coutumes, toute la tribu marchera derrière eux. Il ne restera auprès de Clévorac que ceux que leur grand âge retient comme lui, le vieux Ekem, Miorak et la tremblante Babidame. Pourtant, comme Arc le propose, Cadilda aussi demeurera. Elle seule sait panser la blessure du père, et si une réflexion subite naît dans son cerveau prudent, elle ira en son nom la transmettre aux combattants. Comme la centauresse répugne à l'odeur du sang, elle ne murmure pas contre la décision des chefs. Les ténèbres sont descendues sur la plage d'Occident. À peine une lueur indécise indique encore à l'horizon où s'est noyé le soleil. Alors la voix de Clévorac s'élève, seule dans les trois tribus, et entonne un hymne solennel. Il rappelle comment, au prix de cruelles souffrances, les animaux rois gagnèrent la terre bienheureuse et y renouvelèrent leur splendeur pacifique. Or, voici que, jusque dans le dernier refuge, les maudits ont osé s'élancer sur leurs traces. Qu'un châtiment impitoyable réprime à jamais leur impudence. La paix ne germe que sur les terres arrosées de leur sang. Que demain, à la nuit tombée, plus aucun d'eux ne souille l'île sacrée de sa présence. Le chef se tait. Un long murmure approuve ses paroles. Puis, regagnant les halliers, les animaux rois s'étendent et bientôt ronfle le rythme puissant de leur respiration. Seule, Cadilda demeure longtemps éveillée. Son cœur tressaille. À l'idée que les pieds délicats des hommes foulent le sol de l'île, un tel émoi l'étreint que des deux mains elle presse sa gorge pour ne pas crier. Brusquement, les souvenirs d'autrefois viennent assaillir son esprit. La perspective du combat de demain la remplit d'horreur. Et pourtant, un regret honteux la trouble de ne pas contempler encore une fois les frères de l'enfant pâle qui, jadis, posa sa main sur son flanc. Mais aussitôt elle se réjouit de ce que ses yeux ne verront point leur corps fragile s'abîmer sous les coups furieux des centaures. Et puis ses pensées deviennent confuses et elle s'endort. Les bois s'éveillent. Au creux des nids piaillent les petits des oiseaux. Les quadrupèdes s'étirent et bruissent dans les taillis. Les rayons naissants du soleil embrasent les feuillages où scintillent les perles innombrables de la rosée. Les centaures piaffent à travers les herbes dans la fraîcheur radieuse de l'aurore. Puyulex, le faune, trottine à leur tête. Il les conduira jusqu'au roncier où, hier, fut reçue sa blessure à côté de lui. De là, ils démêleront aisément la piste des écorchés. L'allure du faune est lente et le chemin fastidieux pour l'impatience du peuple aussi membre. Nul vestige de l'approche des impurs. Aussi, afin de se distraire, tous plaisantent bruyamment Puyulex. Sans doute, fût-elle lui en rêvé, ils ont pris pour un écorché la silhouette d'un bouleau reluisant au soleil. Et c'est le bouleau qui perça d'une de ses branches le bras de Fut. Brusquement, les voix se taisent. Puyulex désigne du doigt un fourré épineux. Le sol est couvert de flèches, pareilles à celles qu'il retira du bras de Fut. Les centaures les ramassent, les retournent dans leurs doigts, et puis, les rejetant loin d'eux, serrent leurs gourdins dans leurs fortes mains et fouillent les alentours de leurs yeux aigus. Les terres récemment foulées, les herbes froissées, les branchages meurtris indiquent le passage d'une horde. D'ailleurs, un petit nombre d'hommes font autant de dégâts qu'un troupeau de bœufs. Un autre signe les dénonce. Les oiseaux se taisent dans les arbres. Les quadrupèdes ont disparu. Tous ceux, du moins, qui l'ont pu. Car Haïdar se baisse et, d'une touffe de genêt, il tire par les oreilles le corps encore tiède de Lul, transpercé d'une flèche. Toute la nuit, le lièvre s'est débattu dans l'agonie. Autour de lui, une mare de sang a noirci le sol. De la souffrance du petit frère, un sursaut de colère échauffe les cœurs. Malheur à la race immonde! À demi courbé sur le sol, les centaures sans mot dire s'égayent sur la piste. Ils n'ont plus besoin de Puyulex. L'odeur écœurante de la race impure empoisonne les narines. Visiblement, après avoir aperçu les faunes, les écorchés ont pris la fuite. Sans doute, ils ont pressenti le châtiment. Une seule crainte hante les esprits. Si déjà les aventuriers avaient gagné le large, Arc, qui est en tête, jette le cri qui commande halte et silence. Tous s'arrêtent et écoutent, l'oreille inclinée, le cou tendu. À travers les hauts genêts, on entend un galop précipité. Ce n'est ni l'allure du cerf, ni celle du sanglier. D'ailleurs, les bêtes ne se sauvent pas à l'approche des dominateurs. La horde se fraye une route à travers le taillis. Trègue pousse une exclamation de triomphe. Il a trouvé la passée des fuyards. Point de doute, tous le suivent avec fracas, insoucieux de surprendre l'ennemi. Les fourrés s'espacent et s'abaissent. Les châtaigniers se font plus petits et clairsemés. Tout à l'heure, ce sera la lande qui précède le bois de chêne-liège et les coteaux marins. Encore un taillis d'yeuse naine, et la voici. Arc émerge des buissons et jette un cri. Après lui, ses frères s'arrêtent, interdits. En face d'eux, à une grande portée de voix, sur la lisière du bois de chêne-liège, une troupe nombreuse est immobile. Et son aspect frappe de stupeur les centaures. Sur quatre pieds, pareils aux leurs, ce sont des corps semblables, surmontés de deux têtes. L'une rappelle celle de la biche, l'autre celle des animaux rois eux-mêmes. Des bras minces brandissent des bâtons pointus ou de faibles massues. Entre les quadrupèdes se meuvent les silhouettes pâles des écorchés. Ils serrent entre leurs mains des fétus de bois ou des tiges d'une substance inconnue qui brille. Quelques-uns sont agenouillés. Un bras tendu en avant tient un bois flexible, l'autre est ramené en arrière. C'est Haïdar, le premier, dont l'esprit subtil dissipe l'étonnement de son peuple. Souvenez-vous des paroles d'Oyotoro. Les écorchés ont fait de Kahar leur esclave. Haïdar a raison. Les centaures reconnaissent la tête allongée et la crinière du cheval. Un ronflement de colère sort des poitrines. Leur propre orgueil est blessé de l'humiliation de Kahar, dont les formes sont celles de leur bas-corps. L'écorché est le bourreau de tout ce qui vit. Les centaures portent en eux l'âme de l'animalité entière. Avec un hurlement, Arc bondit en avant et fait tournoyer sa massue. La trombe rugissante se déchaîne derrière lui. La lande fuit sous les sabots. En face, les écorchés restent immobiles. Ceux qui sont agenouillés ont les yeux fixés sur leurs agresseurs. Les autres, saignant leurs montures de leurs jambes, guettent le geste de l'un d'eux, leur chef sans doute. C'est le plus grand. Au-dessus de la bouche, une touffe de poils blonds lui divise en deux la figure et il est monté sur un cheval noir qu'en serre des liens brillants. Arc l'a choisi. C'est sur lui que tombera d'abord sa massue. Il se réjouit de le sentir s'écraser sous ses pieds. Le galop des centaures s'approche. Encore quelques foulées et les infâmes seront châtiés. Le chef blond brandit son bâton et jette un cri. Pour demander grâce, les bras des agenouillés se raidissent dans un effort qui les rougit, puis brusquement se détendent. L'air s'emplit de sifflements et de bruits d'ailes soyeuses. Les centaures lèvent la tête. Avec un râle effroyable, Arc se dresse de toute sa taille, étreint de ses deux mains sa gorge traversée d'une flèche, vacille un instant, roule à terre, mugit, creuse le sol de ses six membres et vomit un sang noir. Autour de lui, une douzaine de ses frères s'abattent avec des cris de douleur. Plusieurs arrachent les traits de leurs blessures, les mordent furieusement et se relèvent. Mais, butant contre la masse des corps, les animaux rois se cabrent, trébuchent, piétinent sur place. En toute hâte, les maudits bandent encore leurs arcs et précipitent de rechef une volée d'oiseaux funestes. De nouveau, quatre ou cinq centaures s'affaissent et se tordent dans d'affreuses convulsions. Mais le reste n'attendra point le troisième assaut. Colpitru, le géant, dont un dard a déchiré l'épaule, a bondi en avant. Franchissant les cadavres, tous, massue levée, se ruent avec lui. Les archers sont saisis de terreur et s'enfuient. Les chevaux s'effarent, s'ébroutent et se dérobent malgré les efforts des cavaliers. Avec un fracas énorme, la horde aux six membres déferle sur la masse confuse des écorchés. Chevaux et cavaliers cèdent sous le choc. Les massues se lèvent et retombent, font jaillir les cervelles, pulvérisent les membres. Les corps grêles s'écrasent sous les sabots. Affolés, les chevaux se débattent au hasard, augmentent le désordre. Mais les hommes mettent pied à terre et, frêles et nus, s'élancent sans peur contre les assaillants. Les javelines aiguës et les glaives de bronze s'enfoncent dans les poitrailles, arrêtent l'élan des bras formidables. Le sang ruisselle. Insensibles à la douleur, les centaures frappent, broient, assomment, jusqu'au moment où une blessure profonde les couche sur le sol glissant. Avant de mourir, chacun d'eux a fait d'innombrables victimes. En vain, le chef à la moustache blonde excite ses frères de la voix, les encourage à revenir au combat, se démène au premier rang, transperce de son glaive Kaplam qui levait son gourdin sur lui. Les écorchés faiblissent, recule, s'abrite derrière les buissons et les chênes lièges. Avec des cris de victoire, les centaures les talonnent, les harcèlent. Le chef blanc lui-même hésite, épie en arrière. Sarka la brune fond sur lui, brandissant sa massue. Elle vengera la mort de Kaplam qui la fit mère. La centauresse tombe sur les genoux avec une plainte rauque. Munis de petits glaives tranchants, une douzaine d'hommes, les plus agiles, attaquent les dominateurs par derrière, leur coupent les jarrets avec leurs armes ou les leur enfoncent dans le ventre. Plusieurs des centaures chancellent en hurlant, les pieds embarrassés dans leurs entrailles. D'autres font volte-face, se retournent contre leurs nouveaux agresseurs. La plupart sont vite abattus. Le reste fuit. C'est le triomphe. Non, un nouveau danger descend du ciel. Les archers ont escaladé les troncs des chênes lièges et, juchés sur les hautes branches, font pleuvoir leurs traits. L'un après l'autre, Palk, Agdan, Kaloak, s'affaissent sur le sol, le pressent de leurs mains crispées. Fous de rage, leurs frères foncent contre les furugueux, les entourent de leurs bras, déchirent l'écorce à belles dents, les ébranlent de tout l'effort de leurs muscles. Sous la pluie des flèches, ils retombent, les yeux crevés, les épaules sanglantes, et aussitôt ils se redressent de toute leur hauteur dans un sursaut de fureur pour s'abattre de nouveau définitivement. Sous la poussée de Kolpitru, un chêne s'écroule avec les archers qui y étaient réfugiés. En un clin d'œil, leurs corps foulés ne sont plus qu'une affreuse bouillie de chair. Mais pendant ce temps, le chef pâle a ramené ses hommes. De toutes parts, les corps blêmes surgissent, se précipitent avec une ardeur nouvelle. Depuis longtemps, les massues sont brisées, ou, humides de sang, ont échappé des mains. Les centaures décimés étouffent les ennemis dans leurs bras puissants, les assomment de leurs ruades, les étranglent dans leurs mâchoires saignantes. Aux cheveux, aux épaules et aux jambes, chacun a 8 ou 10 hommes cramponnés qui cherchent où porter le coup mortel. À chaque instant, un grand corps s'abat au milieu d'aigres cris de victoire. 4 fois, dans un effort inouï, Kolpitru s'est débarrassé de ses assaillants, en a écrasé 12 sous son poids énorme. Ils reviennent 5e fois plus nombreux. Le géant n'attend pas leur attaque et se rue sur eux avec un éclat de rire. À côté de lui, Haïdar, Treg, Sakar Batul, insoucieux de 20 blessures, défoncent les thorax, font éclater les crânes, crèvent les ventres. Partout où ils passent, les impurs fléchissent. Mais l'instant d'après, ils reviennent plus nombreux. Que font donc les frères? 3 fois, Haïdar et Kolpitru jettent le cri d'alarme. Nul bras secourable ne se lève à leur appel. Mais ils ont ramassé des glaives échappés des mains des hommes et en assènent autour d'eux des coups qui font le vide. Treg et Sakar Batul frappent comme eux. Encore une fois, les maudits plient et se retirent en désordre. Les centaures respirent un moment, regardent autour d'eux. Un grand cri de stupeur leur échappe. Voici que dans le bois sanglant, couvert de cadavres et d'où monte l'affreuse odeur du meurtre, eux seuls sont debout parmi le peuple aussi membre. En dehors d'eux, il n'y a plus que des corps inertes ou qui se débattent dans les derniers spasmes. Voilà pourquoi, tout à l'heure, ils ont appelé inutilement leurs frères. Et leur cri est si terrible qu'un instant s'éteignent la clameur des hommes et les râles des agonisants, et qu'on entend le bruit de source que fait le sang qui gicle de leurs blessures. Alors, immobiles, ils pressentent la mort. Tout seul, le chef blond s'avance. Il s'arrête à quelques pas et, de sa voix aigre, profère des sons inintelligibles. Mais Haïdar le vise fixement et tressaille. dans le trou noir de sa mémoire, flamboient deux yeux pareils aux yeux d'azur qui le défient. Il se rappelle un coup de foudre, la chute d'un arbre, le miracle du feu. Le temps n'est pas aux pensées vaines, l'heure est venue de mourir. Les quatre centaures jettent leurs armes et se ramassent pour bondir. Mais le chef blond se jette de côté. Une grêle de traits brise l'élan suprême. Haïdar a deux flèches dans l'épaule et une dans la cuisse. Colpitru et Treg sont tombés, la poitrine et la face criblées. Sakar Batul trébuche et se relève. À côté de lui, Colpitru aussi est debout de nouveau. Et une dernière fois, sa voix commande. L'ordre est que ceux qui vivent rassemblent leurs dernières forces et rapportent à Clévorac la nouvelle du désastre. Lui-même, quelques secondes, arrêtera la poursuite. Haïdar et Sakar Batul hésitent et souhaitent la mort. Mais Colpitru redit son commandement. L'ordre d'un chef est sacré. Avec un cri d'adieu, les survivants se jettent dans le fourré et fuient à toute vitesse, laissant derrière eux une piste rouge. Colpitru s'est affermi sur ses quatre pieds. Le torse rigide, la tête haute, il fait face à l'ennemi. Son sang ruisselle. Une nouvelle volée de flèches s'abat sur lui. Il demeure immobile, le corps hérissé de dards comme le porc épic. Et si effroyable est son aspect que la multitude hurlante n'ose l'approcher. Seul le chef blond fait un pas en avant et puis un autre. Le centaure ne bouge point. Et tout à coup, le maudit jette un cri d'étonnement, laisse tomber son glaive et pose la main sur le torse rouge. Sous son doigt frêle s'écroule la masse du géant, mort debout.